Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet, dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Lors de chaque émission, nous allons aborder une thématique spécifique et aujourd'hui, la voiture électrique. Une émission co-animée avec Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Et je te souhaite une bonne année Francine. Mais moi aussi, ainsi qu'à tous nos auditeurs. Tout à fait, en espérant donc de belles émissions donc en 2023 pour l'Instant Éco. Alors on se retrouve donc dans quelques instants donc pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco consacrée à la voiture électrique. Alors, clap de fin pour 2035, telle est la question, car la Commission européenne a dévoilé un plan qui propose de réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures. Dans les faits, cela signifie que les voitures essence, diesel et hybride ne pourraient plus être vendues. Fini, donc la voiture donc thermique, place au 100% électrique. Alors, au cours de cette émission, on va tenter d'être le plus clair possible sur cette révolution, et ce, avec les étudiants en DCG du lycée Georges Latour. Alors, DCG pour diplôme de comptabilité et de gestion. Et avant d'aller plus loin, on va interroger justement sa présidente, la présidente de l'association des étudiants, Madeleine Cordari, pour nous présenter sa section. Bonjour Madeleine. Bonjour. Meilleurs vœux, Madeleine, pour plein de réussite pour ces examens qui approchent. Merci beaucoup et meilleurs vœux à vous aussi. Alors, quel est le principe de cette formation? Quel est le contenu plus précisément? Le DCG est une licence qui est la première étape vers l'expertise comptable, mais qui permet également d'intégrer différents masters tels que la finance, la gestion, les ressources humaines et bien d'autres. On y retrouve quatre grands axes de formation, un axe de comptabilité, un axe du juridique, un axe économique et un dernier relatif au système d'information. Voilà, merci Madeleine pour cette précision. Donc on va commencer donc tout de suite avec la première rubrique donc pour découvrir donc tous les grands principes qui vont concerner donc la voiture électrique qui va s'imposer progressivement d'ici 2035. Alors, première séquence de cette émission donc consacrée donc à la voiture électrique, on va donc accueillir Yacine et Quentin qui vont nous présenter donc l'état du marché automobile. Bonjour à tous, nous allons donc vous présenter l'état du marché automobile du dernier semestre et vous indiquer quelle part la voiture électrique prend actuellement. Nous verrons également par la suite quels sont les leaders de ce marché en France. Pour répondre à toutes ces questions, nous retrouvons Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour Yacine. Pour commencer, peux-tu me présenter le marché automobile, s'il te plaît? Oui, alors pour faire court, parmi le top 5 de ce marché au niveau européen du premier semestre 2022, l'Allemagne est actuellement le leader et a vendu plus d'1 200 000 voitures. Alors que la France figure troisième de ce top 5 avec 771 000 ventes. La proportion de voitures électriques parmi ces ventes est de 20% avec 140 000 unités vendues, ce qui représente une hausse de 32% par rapport à l'an dernier. C'est le seul segment qui est en hausse sur le marché automobile. Donc le marché automobile, si j'ai bien compris, est en grande difficulté aujourd'hui. Absolument. Le marché automobile français est toujours en difficulté et on a une perte de 16% par rapport à l'année dernière. D'ailleurs Quentin, j'ai vu que sur ce marché, les voitures les plus vendues sont les Peugeot 208 avec 46 500 unités. Elles sont suivies de près par les Renault Clio avec 35 000 unités. Et puis il me semble que ça soit la Dacia Sandero en troisième position pour 31 000 ventes. En effet Yacine, mais les voitures électriques commencent à gagner des parts de marché. On retrouve à la tête des ventes la Peugeot i208 avec 10 000 exemplaires en augmentation. La Dacia Spring qui est en deuxième place avec 9 000 exemplaires vendus en augmentation de 700%. Vient ensuite en troisième place la Fiat 500 avec 8 000 ventes en augmentation de 85%. Et depuis quelques mois, un grand changement a eu lieu puisque les voitures électriques en France se vendent mieux que les motorisations diesel. La part du marché de la voiture électrique est de 13% contre 12% pour le diesel. Oui, les voitures électriques prennent de plus en plus d'ampleur, mais le problème qui se pose actuellement en relation avec cette augmentation de consommation de voitures électriques, c'est l'origine de production de ces voitures. En effet, elles n'apportent aucune plus-value à l'économie française si elles ne sont pas produites sur ce même pays. Exactement. Pour exemple, les trois têtes d'affiche des voitures électriques les plus vendues sur notre territoire, pour rappel, la Peugeot i208, la Dacia Spring et la Fiat 500, sont respectivement produites en Slovaquie, en Chine et en Italie. Pourtant, le gouvernement verse des primes pour acheter des voitures électriques. Mais avec cette production hors de France, Quentin, ce sont les pays étrangers qui en profitent. C'est exact, mais certains constructeurs commencent à réagir pour inverser la tendance, comme le cas de Stellantis, le fameux groupe automobile multinational qui résulte de la fusion du groupe français PSA et de Fiat et qui tend à favoriser vers une production 100% française de ces voitures électriques. En conclusion, nous pouvons dire que le marché électrique est en pleine expansion et nous devons miser là-dessus pour l'avenir. C'est ça. mais il reste beaucoup d'efforts à faire, notamment en ce qui concerne l'origine de la production. Oui, alors moi je me pose des questions parce que on sait qu'une voiture électrique coûte beaucoup plus cher qu'une voiture thermique et que pour l'instant l'État donc participe beaucoup au financement du véhicule par le biais de primes, mais le jour où les primes vont diminuer, et je sais déjà qu'en 2023 ça va légèrement diminuer, peut-être que le boom actuel va un petit peu se réduire. Oui, c'est vrai que c'est un débat donc actuellement. Le budget pour une voiture électrique est important et très peu de Français actuellement ne peuvent pas acheter de voiture électrique sans ces aides. Donc ça veut dire que le coût pour l'État va être extrêmement important. Eh bien, merci Yanis et Quentin pour cette présentation du marché automobile électrique. Alors justement, vous avez parlé de la Dacia Spring qui est l'un des modèles électriques les plus vendus. On va retrouver donc justement Célia, Ilona et Maëlys qui vont nous présenter donc une interview de Nicolas Duarte qui est conseiller donc commercial à l'Axo, à la concession Dacia. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Bonjour à tous, nous accueillons en effet aujourd'hui Nicolas Duarte, conseiller commercial Dacia à l'Axo. Enchanté. Quel est votre ressenti actuel sur le marché de la voiture électrique ? C'est un marché qui est en grande expansion et qui intéresse de plus en plus les ménages de par l'actualité économique et écologique. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent chez les clients ? Alors, c'est comment ça marche ? Comment on peut se recharger et qu'est-ce que l'autonomie en fait sur ces véhicules-là ? En effet, l'autonomie, c'est une bonne question, on y reviendra après. Quelle est votre gamme actuellement en électrique ? Actuellement, vous pouvez retrouver dans nos showrooms la Dacia Spring, uniquement, pour le moment. Pour revenir sur l'autonomie, pour un véhicule électrique, qu'en est-il du coup pour cette gamme ? Et on peut espérer faire un Nancy Marseille en électrique actuellement ? Alors, pour cette gamme, si vous faites de la ville, que vous mettez le mode éco, on peut espérer 290 km d'autonomie. Ça va aussi dépendre de votre conduite. C'est comme les thermiques pour la consommation. Et sur de l'urbain, du périurbain et un peu d'autoroute, ça va être plutôt 200. Pour le Nancy-Marseille, on peut l'espérer. Après, il va falloir beaucoup de temps d'arrêt et de temps. À partir de combien de kilomètres par semaine, par mois ou par année, cela devient intéressant de passer à l'électrique ? Alors, c'est une question où je ne peux pas vous répondre en généralité parce que ça va dépendre en fait d'un profil type, comment on va voir ça avec le client. Après, voilà, le calcul il est assez simple, c'est 18 centimes le kilowatt qui revient à 5 euros la recharge complète et sur du thermique, on est à 80 le litre, donc le calcul est assez simple, quoi. Donc justement, pour un client moyen qui n'est pas évident de se lancer dans la voiture électrique, il est plus intéressant d'acheter ou de louer ? Alors, ça va dépendre de chacun. Après, nous, on propose la LOA, location avec option d'achat, excusez-moi, et il y a également la LDD, donc location longue durée. Ça, c'est plus pour les professionnels parce qu'on soustrait la TVA. Après, voilà, si vous êtes quelqu'un qui renouvelle ses véhicules tous les 3, 4, 5 ans, c'est vrai que la LOA peut être bénéfique, surtout qu'on ne s'occupe pas de l'entretien, c'est dans vos mensualités. En parlant de vente, avez-vous des objectifs concernant les ventes pour les véhicules électriques fixés par la direction ? Ils sont pour le moment fixés à 2 véhicules par mois. Est-ce que vous pensez que l'objectif de 2035 est réaliste avec le passage de toute la gamme à l'électrique ? Alors réaliste, je sais pas. Après voilà, c'est en train de forcément s'accélérer. Dans nos showrooms, on le voit, mais on aura l'hybride qui va pouvoir pallier à ça avec le 100% électrique. On verra bien. Et la voiture électrique coûte très cher actuellement. Elle est inaccessible pour une grande partie des ménages français. L'État intervient, mais sous quelle forme ? Alors, vous pouvez bénéficier du bonus écologique, donc qui représente à peu près 5 000 euros sur la Spring, c'est pour tout le monde. Et après, il y a la prime à la conversion, donc là, pour l'éligibilité, il va falloir avoir un véhicule de 2011 diesel ou essence avant 2006 et ne pas déclarer plus de 13 800 euros par part par an. Alors justement, moi j'ai une question à vous poser concernant le coût global de l'achat d'une Spring. Donc déduction faite du bonus, ça revient à combien pour le ménage français qui veut acheter une voiture chez vous ? Alors après, ça, tout va dépendre de la finition pour laquelle il va opter. C'est vrai que si vous prenez de la gamme d'entrée, il y a deux finitions, c'est essentiel et expression. Celle de base, vous allez être sur un tarif à 20 000 euros et celle le haut de gamme à 22 000 euros. Quand vous allez soustraire, après ça dépend encore une fois des options et ce qu'on va pouvoir, mais vous pouvez toucher une Spring sur 17 000 euros. Quoi. Voilà, donc c'est assez compétitif sur le marché actuel. C'est très compétitif, ce que Dacia veut prôner. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Nicolas Duarte d'être venu ici pour notre interview et on vous souhaite une bonne journée. Ben, merci à vous, c'était un plaisir, je vous en souhaite également une et n'hésitez pas à passer dans nos showrooms chez Dacia, la Spring vous attend. Merci Nicolas Duarte pour vos commentaires. Alors on a l'habitude dans l'instant écho de faire des pauses musicales. Alors quel a été le premier coup de cœur donc, des étudiants en DCG, diplôme de comptabilité de gestion donc, du lycée Georges Latour à Nancy ? Le premier coup de cœur des étudiants de DCG c'est Another One Bites the Dust de Queen. one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. Voilà, après cette première pause musicale, nous allons donc aborder donc un nouveau thème, à savoir donc les deux supports importants donc qui amènent effectivement les Français à réfléchir lorsqu'ils achètent une donc voiture électrique, à savoir donc la batterie électrique et puis le parc de bornes de recharge. Alors on commence tout de suite avec donc Hugo et Jory qui vont nous présenter justement les enjeux autour de la batterie électrique. Alors Hugo, j'ai premièrement à te poser une question importante, essentielle, lorsque l'on s'intéresse à la batterie. De quoi cette batterie est-elle composée ? La batterie électrique, donc, pour répondre le plus succinctement possible à ta question, se compose principalement de lithium ainsi que d'autres matériaux tels que du cuivre ou de l'aluminium. Et quel poids fait cette batterie avec tout ça ? En moyenne, une batterie pèse 250 kg. Ça peut sembler beaucoup, mais il faut savoir que si on tenait à atteindre la même autonomie pour un véhicule électrique qu'en dispose une voiture thermique aujourd'hui, le poids serait multiplié par 5 et atteindrait 1250 kg. J'ai maintenant à te demander si tu pouvais nous présenter le marché dans lequel s'inscrit la batterie électrique. Très bonne question. Ce marché est aujourd'hui dominé par des acteurs étrangers, notamment la Chine, possédant actuellement les trois quarts du marché. Cependant, l'Europe n'est pas en reste. Ils ont, comme tu l'as précédemment indiqué, décidé de la suppression du moteur thermique d'ici 2035. Mais surtout, beaucoup de projets émergent dans l'Union quant au développement des véhicules électriques afin de gagner des parts de marché. Il y a notamment le projet Airbus. Ce projet donc regroupe la filiale de Total Energy Saft, Stellantis et depuis peu Mercedes. Le projet a pour but de produire des batteries électriques en Europe afin de rattraper les concurrents asiatiques et doter l'Europe d'un avantage concurrentiel sur le marché des véhicules électriques. Pour l'heure, les batteries sont encore en phase de test, mais les premières usines se situeraient en France et en Allemagne. Pour revenir sur ton exemple de projet, plusieurs questions me taraudent. L'Europe a à cœur de produire elle-même les batteries électriques, donc... Exactement. Oui. Et donc, elle fait le choix d'exploiter elle-même les matières premières. Mais comment compte-t-elle se fournir en matières premières ? Doit-elle importer cette denrée ? Voilà plusieurs questions fort pertinentes. Hein. Je vais donc y répondre tour à tour. Pour commencer, il convient de te présenter d'où vient aujourd'hui le lithium. Celui-ci a été exporté dans le monde à environ 100 000 tonnes en 2021 et provient à 55% de l'Australie, 26% du Chili, 14% de la Chine et 5% de l'Argentine. Mais alors, comment l'Europe compte-t-elle rattraper ses concurrents si elle importe son lithium depuis chez eux ? L'Europe n'est pas en reste et dispose de réserves aussi. Ainsi, en France, il existe plusieurs projets d'exploitation minière de lithium, notamment une dans l'Allier, dont l'ouverture est prévue d'ici 2028, mais aussi plus proche d'ici, en Alsace, au nord d'Haguenau, où des eaux géothermales riches en lithium ont été trouvées et dont le projet d'exploitation est à l'étude. Le fait qu'il existe des projets d'exploitation minière en France m'amène cependant à me demander si ces exploitations minières, et donc plus largement la batterie électrique, n'ont pas un impact néfaste sur notre environnement. Alors, nécessairement, l'impact environnemental de la batterie électrique n'est pas nul, t'as raison de le soulever. Pour les mines de lithium, notamment, plusieurs points noirs sont soulevés. Surtout le fait que beaucoup d'eau ne soit consommée, que l'extraction du lithium ne soit à l'origine d'émissions de CO2 via le transport du lithium jusqu'aux usines principalement, et enfin que l'extraction du lithium n'impacte l'écosystème. Mais ces points noirs sont à nuancer car ils restent tout de même moins néfastes que ceux du pétrole. Certes, cependant, tu ne m'enlèveras pas l'idée qu'il demeure impossible de rouler de longues distances en voiture électrique. Et détrompe-toi, la tendance est en train de changer. Il y a en effet depuis peu une coopération entre les entreprises européennes Airbus et françaises Renault pour développer des batteries électriques sans liquide. Le but est ainsi de rendre la batterie jusqu'à 5 fois plus performante pour un même poids. Ce gain de poids permettrait pour Airbus d'électrifier certaines fonctions telles que la climatisation ou encore le dégivrage de ses avions. Et pour Renault, et c'est là où cette alliance va nous intéresser, ce gain de poids permettra une autonomie pour leurs véhicules électriques excédant 500-600 km, soit l'autonomie actuelle de la voiture thermique. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que ce message est porteur d'espoir, parce que la difficulté, c'est également l'autonomie des véhicules électriques. Et je trouve que c'est intéressant de savoir qu'en France, en plus, ou en Europe, on travaille sur ce type de projet. Donc, il y aura certainement donc, de nombreuses innovations dans les années à venir. Et puis, j'ai découvert quelque chose, c'est qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a du lithium. Ah oui, c'est ça. Donc, pas loin de chez nous, en plus. Pas loin de chez nous, en Alsace. Hein. Et vous avez bien montré, effectivement, qu'en Europe, hein, puisqu'on était très dépendant donc de la Chine pour la fourniture de batteries. La batterie électrique, c'est un enjeu de souveraineté européenne et on comprend que toutes ces entreprises-là et tous ces pays donc, déploient des milliards pour essayer de réduire cette dépendance. Alors, après avoir effectivement équipé sa voiture de batterie électrique, il va falloir la recharger. Alors, c'est un autre thème qu'on va aborder maintenant avec Nevzat et Moussa. Alors, on l'a compris, il y a donc un véritable enjeu au niveau de l'autonomie des batteries électriques, mais il y a également donc un deuxième enjeu, c'est celui du parc donc des bornes électriques pour recharger justement ces batteries. Et bien justement, Nevzat et Moussa nous font un bilan de ce parc donc de rechargement. En effet, pour recharger les batteries, il nous faut de nombreux points de recharge. Tout à fait, Moussa. Actuellement, il existe environ 11 000 stations-service sur le territoire français, permettant de faire le plein en carburant classique. En revanche, si on possède un véhicule électrique, c'est un peu plus compliqué, car on en compte actuellement 43 000 bornes électriques publiques et ces dernières ne sont pas placées de manière homogène en France. Qu'est-ce que tu entends quand tu dis qu'elles ne sont pas placées de manière homogène ? Pour faire simple, près de 12 000 sont en Île-de-France, alors qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième région française la plus équipée en bornes électriques, en compte près de la moitié pour une superficie 5 fois plus importante. Ainsi, c'est pourquoi je te demande, Moussa, quelles sont les initiatives prises par l'État ? L'État a pris l'initiative de développer le nombre de points de recharge publics. Il s'était fixé comme objectif d'atteindre la barre des 100 000 bornes en fin 2021, ce qui n'a pas pu être réalisé car on ne compte que 64 500 bornes à la fin du premier semestre 2022. On est donc bien loin des 100 000 bornes. C'est exact, mais l'État n'a pas dit son dernier mot. Il va continuer à subventionner l'installation des bornes électriques publiques à hauteur de 20%. Cette aide s'étend également aux parkings privés fermés. Cette aide sera-t-elle plafonnée ? Effectivement. Il faudra faire attention aux différents plafonds de subventionnement, qui sont de 1 860 euros par point de recharge pour les parkings privés ouverts au public et de 960 euros par point de recharge pour les parkings privés fermés. Les particuliers seront donc incités à recharger leur véhicule électrique en borne publique. Les particuliers ne sont pas oubliés aussi, puisqu'ils bénéficient d'un crédit d'impôt de 300 euros pour l'installation d'une borne de recharge dans leur résidence principale. Cependant, au vu du prix actuel de l'électricité, il est peut-être judicieux de ne pas se précipiter sur l'acquisition d'une voiture électrique. En effet, concernant le coût de la charge, il faut compter aujourd'hui environ 13 euros pour une recharge complète à domicile, et pour une recharge rapide en borne publique, on avoisine les 50 euros. Ce qui devient donc moins cher qu'un plein classique. Certes, mais si on compare avec un véhicule diesel par exemple, le plein n'offre pas la même autonomie. Prenons le cas d'une Renault Zoé, l'autonomie est de 395 km, d'après les données constructeurs, alors qu'un plein pour une citadine diesel, comme la Renault Clio, est de 85 euros et devrait permettre de faire plus de 1100 km. C'est exact. La voiture électrique n'est donc pas destinée pour les longs trajets, ne serait-ce qu'avec le prix d'une recharge rapide en borne, ou bien le temps que cela nécessite environ une demi-heure. En revanche, la voiture électrique reste tout de même une excellente alternative pour tous les trajets urbains, voire ceux du quotidien pour une certaine partie de la population. Et merci Nevzat et Moussa pour ce bilan. Alors je constate effectivement pour le parc donc de bornes donc électriques, c'est du mieux, mais peut mieux faire, hein, si on peut résumer votre bilan. Hein. Et je constate que l'État encore intervient pour subventionner, Francine. Hein. Après les subventions pour les voitures électriques, on subventionne également les points de recharge. J'ai appris qu'il y avait 300 euros pour installer donc une prise rapide dans son domicile. Donc c'est toujours ça, hein, mais c'est vrai qu'à terme, ça va disparaître aussi tout ça. Là aussi, parce que le coût... Sans compter le coût de l'électricité qui va forcément, le prix de l'électricité qui va forcément augmenter. Hein. Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est plus intéressant hein, de rouler à l'électrique si on recharge à domicile, mais à terme... Il ne faut pas se leurrer, hein, l'État ne va pas se priver de la fameuse taxe... la TICPE, hein, donc, ouais, voilà, la taxe intérieure. Qui rapporte plusieurs milliards, mais il va falloir l'instaurer certainement sur l'électricité. Tout à fait. Très bien, on va donc dans quelques instants donc, terminer avec une dernière chronique qui va nous faire donc, la synthèse de tous les enjeux hein, sur lesquels effectivement, porte donc, la voiture électrique. Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Ensuite, on va passer au deuxième coup de cœur des étudiants de DCG. Qui sera Don't Worry, Be Happy de Bobby McFerrin. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry. Alors après toutes ces interventions donc portant donc sur la voiture électrique, on peut se poser maintenant la question. Alors faut-il passer à la voiture électrique? On accueille Lucas et Stéphane donc qui vont justement aborder ce thème. Oui, donc l'Union européenne s'est mise d'accord sur l'application d'une loi interdisant toute vente de nouvelles voitures à moteur thermique d'ici 2035. Les Français se questionnent s'ils doivent d'ores et déjà se tourner vers l'achat d'un véhicule électrique. Et dans cette rubrique, nous allons répondre à la question « faut-il passer à l'électrique ?». Afin de répondre à cette question, nous allons nous intéresser aux avantages et aux inconvénients de la voiture électrique. Alors commençons Stéphane par les avantages. Alors quels sont donc justement les avantages de passer à la voiture électrique ? Tout d'abord, l'un des premiers avantages est l'économie liée à l'utilisation du véhicule électrique. Pour prendre un exemple concret, le coût d'utilisation estimé d'une Renault Zoé est d'environ 2 euros pour le 100 km. Comparé à une Renault Clio essence, le coût s'élève environ à 7 euros au 100 km. Ensuite, le confort et l'agrément de conduite offerts par un véhicule électrique constituent un autre avantage. En effet, le silence de fonctionnement, les accélérations vives dès le démarrage et les reprises coupleuses constituent un autre élément pouvant conduire à acheter un véhicule électrique. Enfin, les autres avantages résident dans la fiabilité du véhicule électrique. Cela s'explique par le fait que les pièces d'usure à changer régulièrement sont moins nombreuses comparées aux véhicules thermiques. Et donc cela se répercute sur le coût d'entretien d'un véhicule électrique qui est en moyenne 20% moins cher qu'un véhicule thermique. Oui, tout à fait, on n'a plus besoin d'aller donc faire sa vidange. Ah oui, exactement. Ah, quel plaisir, quel bonheur. Et puis, plus besoin de faire le plein. Oh. Ah oui, en plus. Alors, donc ensuite, on va passer après les avantages, on va passer maintenant aux inconvénients de la voiture électrique. Oui, alors tout d'abord, on a comme premier inconvénient qui concerne les bornes de recharge électrique. En effet, les infrastructures sont perfectibles. Tout d'abord, les bornes ne sont pas assez nombreuses et souvent en panne, surtout sur le réseau secondaire, c'est-à-dire hors autoroute, en raison d'un manque d'entretien récurrent de ces bornes. De plus, le paiement à la borne est compliqué. Il faut disposer de plusieurs cartes afin de pouvoir utiliser les points de recharge des différents réseaux. Et il n'existe pas encore de terminaux bancaires comme dans les stations-service. Enfin, les temps de charge peuvent parfois être très longs en fonction des puissances de rechargement délivrées par les bornes. Mais finalement, Lucas, pour pallier à ces inconvénients, l'idéal serait de recharger la véhicule à domicile par le biais de prises renforcées, à savoir cependant qu'il existe différents types de prises. La plus simple a un coût d'installation de 500 euros, mais on peut aussi poser une borne de recharge rapide, aussi appelée wallbox, qui coûte 1500 euros. Tout à fait Stéphane, vous avez raison. Le deuxième inconvénient concerne la longueur des trajets effectués. Plus ils sont longs, et plus il est nécessaire d'effectuer des recharges, ce qui peut allonger la durée du trajet. Et enfin, le troisième inconvénient est le prix à l'achat, qui reste nettement plus élevé qu'un modèle thermique, et ce malgré les aides de l'État qui pourraient être amenées à diminuer dans le futur. Pour conclure, une personne qui souhaite utiliser principalement son véhicule pour des trajets aller-retour pour le travail ou circuler en ville simplement, ou pour des trajets courts, le véhicule électrique semble être la meilleure des solutions. En revanche, pour des trajets plus longs, le véhicule électrique semble atteindre une limite, notamment en raison de l'autonomie de la batterie. Une des solutions intermédiaires serait d'opter pour un véhicule hybride qui permet de concilier les avantages électriques et thermiques. Le souci, hein, Stéphane et Lucas, c'est que les voitures hybrides, je pense que d'ici 2035, seront également interdites. Donc ça peut être un point de passage hein, d'ici 2035. Mais 2035, c'est vraiment la voiture électrique à 100%. Et je crois que les voitures hybrides consomment beaucoup lorsque justement elles ne fonctionnent plus sur l'électricité en raison du poids des batteries. Et donc finalement, il y a beaucoup de personnes qui reviennent un petit peu sur ce type de véhicule. Eh bien, merci donc aux étudiants donc en DCG, diplôme de comptabilité de gestion qui prépare donc à l'expertise comptable et qui est située donc au lycée Georges de la Tour à Nancy. Merci pour toutes ces chroniques qui nous ont permis de comprendre donc l'enjeu de cette révolution qui arrive en 2035 avec la voiture électrique. Voilà, l'émission se termine. Eh bien, Francine, on se retrouve donc le mois prochain. Mais oui, Jérôme, avec plaisir. Eh bien, donc d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas donc de rester fidèles à Radio Fadjet.